Ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous après un certain nombre de mois d'absence pour aborder, comme M. Glenn vous en a donné un mot tout à l'heure, le phénomène de l'âme. Je vais essayer, dans un premier temps, sans être trop académique, de donner certaines définitions autour du concept de l'âme, parce que il est très facile de parler de l'âme, comme de beaucoup de sujets dans le domaine de l'ésotérisme. Ce qui est plus difficile, c'est d'en parler avec une certaine précision et de faire attention pour pas favoriser la confusion. Alors, on sait seulement le mot âme, lorsqu'on le prononce, évoque chez les gens des notions ou des concepts qui sont très, très différents selon que on a eu une formation dans un domaine religieux, dans un domaine philosophique, dans une école ésotérique ou dans une autre. C'est-à-dire que tout le monde nous parle de l'âme, mais on nous parle rarement de la même chose lorsqu'on nous parle de l'âme. Alors, si on voulait faire un éclaircissement de base à ce niveau-là, il faudrait remonter au moins au grec, parce que notre tradition ésotérique, elle est très liée au phénomène de la pensée grecque, à la philosophie grecque. Alors, si on retourne jusqu'à la Grèce antique, eh bien, on se rend compte que l'âme dont parle Platon, l'âme dont parle Aristote, on cite souvent Platon en disant « l'âme du monde est crucifiée », puis on s'arrête là, hein, puis on pense que tout a été dit. L'âme du monde est crucifiée, mais qu'est-ce que Platon voulait dire lorsqu'il parlait de l'âme? Ça, c'est un sujet qui est rarement abordé, évidemment. On considère, la plupart du temps, que ce que Platon pouvait dire autour de l'âme, ça correspondrait à peu près à ce que, par exemple, l'Église nous a raconté au Québec sur l'âme. Comme on dit, on prend les morts et on les baptise. Hein? On récupère, d'une certaine manière, des cadavres, et puis on dit, bon, ben voilà, Platon parlait de l'âme, Aristote parlait de l'âme. Mais au-delà de cette récupération des cadavres, il faut aller un petit peu plus en profondeur. Et lorsqu'on lit des ouvrages de ces Grecs, par exemple des traités comme des Anima, hein, de l'âme, alors il y a des traités spécifiquement sur l'âme, on se rend compte que l'âme des Grecs, c'est pas l'âme de l'Église catholique romaine, et que l'âme des Grecs, ça coïnciderait, si on veut, avec pour nous les corps, ou les véhicules, ou les différents corps, donc invisibles, que l'âme possède. On en a des preuves. Les Grecs ont catalogué l'âme en quatre grandes catégories. Pour eux, il y avait l'âme végétative. En l'âme végétative, c'est ce qui permettait au corps d'un être humain, et tout à l'heure on verra aussi que ça existait chez les animaux, chez les plantes, mais disons, si on s'en tient à l'homme, c'est ce qui permettait au corps humain de vivre, d'avoir une activité organique, une activité biologique, en un mot d'être un être vivant. Ça, c'était l'âme végétative. En l'âme végétative, ça coïncide dans nos traditions ésotériques avec ce qu'on appelle le double vital ou le corps éthérique. Bon. Formés de différents éthers qui, justement, entretiennent les fonctions biologiques. Plus précisément, les deux éthers inférieurs, si on veut aller dans des détails un peu plus concrets, c'est-à-dire l'éther chimique qui permet à un organisme d'assimiler de la nourriture et l'éther vital qui permet de toute l'activité génétique. C'est-à-dire, tout ce qu'on appelle l'hérédité, c'est déterminé par des lignes de force sur les plans invisibles qu'on appelle l'éther vital, qui est aussi responsable de la reproduction. Donc, ça, c'est l'âme végétative. Qui fait que lorsque une personne est dans un profond coma ou dans un profond état de l'inconscience, on dit parfois que c'est une légume. Bon. Hein? C'est-à-dire que réside sur les plans visibles, concrets, uniquement l'âme végétative, ce qui lui permet d'avoir une fonction biologique, mais il n'y a plus les autres fonctions, on dirait, supérieures de l'âme. Donc, il y avait l'âme végétative chez les Grecs. Ensuite, il y avait l'âme sensitive. L'âme sensitive, c'est ce qui nous permet toujours, bien sûr, d'avoir des perceptions sensorielles et d'avoir aussi de la mémoire, c'est-à-dire d'être capable de mémoriser des choses et ensuite de les analyser par rapport à nos perceptions sensorielles immédiates. Je vous donne un exemple. Si vous voyez devant vous, tout à l'heure, il y avait des pommes ici, bon, il y en a encore, si vous voyez une pomme devant vous, hein, et que vous êtes capable de dire « c'est une pomme », ou alors qu'on vous la cache, qu'on vous bande les yeux, qu'on vous la fait sentir, et vous dites « c'est une pomme ». Bon, ça, c'est l'âme sensitive qui vous permet ça. Et il y a deux moments dans l'identification d'un objet. Le premier moment, c'est une entrée sensorielle. C'est-à-dire que de cette pomme, il y a des vibrations qui la quittent et qui pénètrent en vous par vos organes sensoriels. Par le sens du sentir, ou alors par le sens de la vue. Ces informations sont amenées à l'intérieur de votre cerveau, au niveau du néocortex, c'est-à-dire le cerveau extérieur, et là, il y a une analyse qui est faite. Si on prend la sensation visuel. Eh bien, en regardant la pomme, il y a un input sensoriel qui entre au niveau de l'œil, bon, qui passe par la rétine, on va laisser faire les détails, qui ensuite est acheminé par le nerf optique jusqu'au niveau du cerveau. Et alors là, cette information va être traitée. Alors, vous allez voir, c'est rouge, bon, il y a un peu de vert, et poké, moi, je la mangerai pas, d'ailleurs, poké en même temps. Donc, c'est une pomme de telle catégorie. Et pour que vous soyez capable de dire, c'est une pomme, hein? Et puis, vous puissiez dire, j'aime ça ou j'aime pas ça, ça goûte acide ou ça goûte ceci ou cela. C'est un autre mécanisme qui se produit dans votre cerveau. Il y a une association. Il y a des neurones qui vont associer la sensation que vous percevez avec un autre secteur au niveau de votre néocortex, qu'on appelle la zone psycho-visuelle. Donc, il y a une zone visuelle où on traite l'information immédiate, reçue par les sens, et une autre zone tout juste à côté, qui est psycho-visuelle, où toutes les perceptions visuelles que vous avez eues dans votre existence sont emmagasinées. Et alors, par des associations neurologiques, vous allez être capable de dire « c'est une pomme », parce qu'un jour, quelqu'un vous a montré cet objet et vous a dit « c'est une pomme ». Bon. Et puis, vous allez être capable de dire « j'aime ça » parce qu'un jour, vous l'avez goûté, puis vous vous êtes dit « bon, c'est bien ou ça me convient pas ». Eh bien, ceci étant dit, c'est toutes ces capacités au niveau sensoriel et au niveau mémoriel, et on voit que les deux sont très liés, c'est pourquoi je viens de vous parler de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âme sensitive qui permet ça. Ensuite, les anciens Grecs disaient, en plus de l'âme sensitive, on a l'âme locomotive. C'est-à-dire que les êtres humains et les animaux, si on partage ça avec les animaux, sont en mesure de se déplacer. Qu'est-ce qui fait qu'un individu peut partir d'un point A, se rendre à un point B? Se déplacer dans l'espace, bouger, c'est ce que les Grecs appelaient l'âme locomotive. De nos jours, on appelle ça le corps astral, ou alors le corps émotionnel, ou le corps du désir, ça dépend de la terminologie. À l'époque, ils appelaient ça l'âme locomotive. Et finalement, les Grecs se disaient, en l'homme, il y a encore quelque chose de supérieur à ce qu'on retrouve chez les animaux. Il y a une puissance, il y a un pouvoir qui est le pouvoir de l'intellect, qui est le pouvoir de la rationalité, qui est le pouvoir du raisonnement, hein, qui est une incarnation en l'homme de ce qu'ils appelaient le logos. Eh bien, ceci, ça s'exprime par une autre forme d'énergie qu'ils appelaient l'âme rationnelle. Alors, à l'intérieur d'un individu, si on résume, pour les Grecs, il y a quatre âmes. Il y a l'âme végétative, qui permet la vie, l'âme sensitive, qui permet l'activité sensorielle et l'activité mémorielle, l'âme locomotive, qui permet à l'individu de se déplacer, et l'âme intellectuelle, ou l'âme rationnelle, qui permet à l'individu d'avoir une activité mentale, de pouvoir raisonner, de pouvoir dire 2 plus 2 est égal à 4. Ça, c'est en vertu, encore une fois, de l'âme. On se rend bien compte que cette âme donc, dont nous parlent les anciens philosophes, et tous les philosophes grecs vont avoir cette conception de l'âme, c'est en fait les véhicules subtils de l'âme, et ça ne correspond pas du tout à l'âme dont on pourra parler plus tard dans le christianisme. Alors ça, c'est pour la première dimension de l'âme. Il y a aussi une autre conception de l'âme, avant d'aborder celle du christianisme, qui est intéressante, et qui, cette fois-ci, ne touche pas nécessairement les corps comme tels, mais la mémoire de ces corps. C'est ce que certains auteurs appellent l'atome germe, ou l'atome permanent. C'est-à-dire que, généralement, en ésotérisme, on croit que l'individu, entre ses incarnations, conserve la mémoire de toutes les expériences qu'il a vécues dans des vie antérieure, et que même cette mémoire lui sert pour bâtir son nouveau véhicule et sert à programmer sa nouvelle vie, ce que les orientaux ont appelé la loi du karma, ce que les occidentaux, de manière déguisée, appellent la loi des conséquences, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mémorisé qui nous suit. Alors, vous allez entendre souvent des conférenciers qui vont vous dire « il faut tuer l'âme, il faut se débarrasser de l'âme, il faut tuer les vieilles mémoires, ainsi de suite ». Bon, alors c'est à quoi? C'est à quoi qu'il se réfère en parlant de l'âme dans ces termes? Eh bien, c'est à ces atomes permanents, à ces mémoires qui, d'une certaine manière, nous emprisonnent ou nous enlisent dans le cycle des réincarnations, alors que nous vivons à l'heure de la révélation, pour reprendre une expression connue, à l'heure où les choses sont en train de se transformer et où le cycle de la réincarnation va être définitivement si vous voulez briser. Alors, c'est pourquoi on parle de cette destruction de l'âme. Et alors là, on parle des atomes germes. Alors, les atomes germes, peut-être que je peux vous faire un dessin au tableau. Si on regarde la constitution générale de l'homme, bon, on vient de dire qu'il y avait 4 âmes, donc 4 corps, et il y a un atome germe pour chacun de ces corps. Donc, une mémoire permanente entre les incarnations pour chacun de ces corps. Le premier atome germe se situe au niveau du cœur. Chez un individu, donc, dans la région cardiaque, dans l'organe même du cœur, se trouvent les mémoires de tous les corps physiques que cet individu a possédé depuis sa première incarnation sur la planète. Ce qu'on appelle l'atome germe du corps physique ou l'atome permanent du corps physique. Alors, c'est logé dans le cœur. À partir de là, il y a une espèce de lien qui existe, hein, qu'on appelle la corde d'argent, avec un autre point, ici, situé au niveau du plexus solaire. Et ce point, c'est l'atome germe du corps vital, du corps éthérique, du bœuf éthérique dont on a parlé tout à l'heure. Bon. Alors, il se situe ici. Ensuite, vous avez un autre secteur de corde, si on veut, d'argent qui existe, qui plutôt serait vers ascendant, comme ceci. Donc, on a un autre secteur de la corde d'argent qui va se relier ici au niveau du foie. Hein, va se lier au niveau du foie à l'atome permanent du corps astral, ou du corps émotionnel. Ici, il y a un tourbillon dans le foie qui rattache le corps astral au corps physique, et il y aura une autre section de la corde d'argent, une autre section de la corde d'argent qui se rattachera ici au niveau du sinus frontal, aussi à un atome permanent qui est celui du corps mental, qui est celui de l'intellect. Pour des précisions plus détaillées, ici, ce segment de la corde d'argent est fait en éther, celui-ci est fait en matière astrale, et celui-ci est fait en matière mentale. Alors là, vous avez le schéma général, d'une part, de l'âme des Grecs, c'est-à-dire, finalement, les 4 corps, les 4 véhicules qui sont rattachés ici, le corps physique, bon, qui n'était pas l'âme, qui était la substance inerte, si vous voulez, et les 4 âmes, qui vont suivre, qui sont les âmes, dont 2 âmes ici, une ici et une ici, qui sont les âmes des Grecs, et le concept ésotérique de l'âme, dont on entend souvent parler, qui représente en fait les 4 atomes permanents qui se situent à l'intérieur du corps et que l'esprit conserve d'une incarnation à l'autre, traîne avec lui d'une incarnation à l'autre et qui détermine ses possibilités, ses limites et ses forces à l'intérieur de ses incarnations subséquentes. Alors ça, c'est un autre concept de l'âme, et il faut faire très attention, parce que si on dit qu'il faut travailler sur l'âme, hein, au niveau de la mémoire, on ne veut pas parler des corps, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'âme des Grecs. Alors qu'on ne vienne pas citer un auteur grec, puis dire, ben voilà, l'auteur grec nous a dit qu'il fallait faire ceci avec l'âme, parce que là, il ne nous parle pas de la même réalité. Alors, c'est un peu le point que je veux faire, si vous voulez, pour éclaircir le sujet, justement, de l'âme dans un premier temps. Si on a donc assimilé la conception grecque, la conception ésotérique un petit peu moderne de l'âme comme mémoire, eh bien, il nous reste aussi à voir la conception chrétienne de l'âme, et ça, c'est encore un lieu de confusion plus important. Parce que, selon les différentes confessions chrétiennes, on ne parle pas encore une fois de la même âme. Si on prend l'exemple du christianisme au début, bon, c'est-à-dire dans les premiers siècles après la mort du Nazaréen, eh bien, on se rend compte que à cette époque, on considère que l'homme est ternaire, c'est-à-dire qu'il est construit de 3 dimensions principales, un esprit, un corps et une âme. Et cette conception sera permanente dans la chrétienté jusqu'au schisme de l'Église de Rome, qui se séparera de l'Église universelle en 1054 environ pour créer l'Église catholique romaine. Eh bien, jusqu'à ce schisme, donc, tous les chrétiens croient que l'homme est composé de 3 dimensions. Un esprit qui est éternel, immortel et incorruptible. C'est-à-dire, une étincelle de feu. On sait qu'à l'intérieur de tous les éléments qui nous entourent, il y a un seul élément qui est incorruptible. L'eau, vous pouvez la polluer. L'air, vous pouvez la polluer. La terre aussi. Le feu, c'est impossible. Le feu, plutôt que de se polluer, va s'éteindre. Alors, il y avait, dans la conception donc chrétienne, une transition très forte qui disait justement que l'esprit est un feu, une étincelle du brasier, une étincelle de la divinité, et que donc l'esprit est incorruptible. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son esprit, que son esprit ne peut pas s'orienter dans des directions qui seraient mauvaises. L'esprit en lui-même est d'une part éternel et d'autre part incorruptible. Il y avait ensuite le corps. Évidemment, dans la chrétienté primitive, le corps est perçu un peu comme une chose avec laquelle il ne faut pas trop travailler. Hein, parce que ils étaient inspirés, ces premiers chrétiens, de la tradition grecque. Or, chez les Grecs, il y avait une seule chose importante, je l'ai déjà dit dans une conférence sur le dédoublement, une seule chose était importante pour le penseur grec, Platon, par exemple, c'était l'initiation. Et l'initiation, c'était, ça se résumait à ceci, apprendre à mourir. Et Platon dit, mourir, c'est séparer l'âme du corps. Attention, là, on ne parle pas de l'âme des chrétiens à ce moment-là. On parle des corps subtils, c'est-à-dire du corps sidéral, d'une partie du corps éthérique, du corps astral et du corps mental. Lorsque Platon dit séparer l'âme du corps, il ne veut pas dire séparer l'esprit du corps. Il veut dire être capable de séparer de la coque, de la gangue rigide du corps matériel physique, les corps subtils. Faire donc passer dans les plans invisibles avec des corps, avec nos corps subtils comme le corps astral. C'est ce que Platon enseignait. Alors, dans la chrétienté primitive, on s'est rappelé de cet enseignement initiatique des Grecs qui a beaucoup influencé, surtout l'orthodoxie. Alors, on s'est dit, il faudrait bien aussi apprendre à séparer l'âme du corps. Et Platon avait dit, il y a un seul moyen d'apprendre à séparer l'âme du corps, c'est de devenir philosophe. Et il avait promis, c'était pour ça que j'ai fait mes études en philosophie, il avait promis que si on s'incarnait à trois reprises comme philosophe, on était libéré de la chaîne de réincarnation. Et comme vous le savez, j'ai horreur de la chaîne des réincarnations. C'est peut-être ce qui inconsciemment m'a motivé à faire un baccalauréat et une maîtrise en philosophie pour essayer de me libérer donc de cette chaîne des réincarnations. Pourquoi Platon disait ça? C'est très simple. C'est que pour lui, lorsque la conscience est orientée sur le plan du corps, eh bien, il y a un attachement qui se crée. Puis l'âme, comme il disait, se salit, l'âme se corrompt, ou l'âme se soude au corps physique, et on est plus capable de vivre donc ce passage en état de conscience sur les plans invisibles. Alors Platon disait, oui, mais orientez votre conscience sur les plans supérieurs, et puis là, vous allez pouvoir détacher votre âme de votre corps. Maintenant, on dit aux gens, comptez des moutons, puis vous allez vous endormir. C'est ça, compter des moutons, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une activité d'abstraction, une activité intellectuelle. Pas penser à son corps, pas penser à ses problèmes matériels de la vie, parce que là, on fait de l'insomnie. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de séparer l'âme du corps comme ça se fait toutes les nuits. Comptez les moutons, ayez une pensée orientée vers le plan supérieur, vous allez vous détacher. En Platon, prenez le même principe en disant, si toute votre vie, vous axez votre conscience vers les plans supérieurs, vous allez vous détacher. Et l'âme ne sera pas portée à se réincarner, c'est-à-dire à redescendre dans le monde, à retrouver un corps matériel dense, ainsi de suite. Bon. Alors, les premiers chrétiens, si on met de côté cette parenthèse, les premiers chrétiens disaient donc qu'il fallait mettre un peu de côté le corps. Hein? Les préoccupations du corps, ça devait s'estomper tranquillement pour justement que l'âme puisse prendre une certaine ampleur et ne soit plus pervertie, si on veut, par le corps. Alors, si on résume la position donc de l'Église jusqu'au schisme de l'Église de Rome, elle est très simple. L'homme est composé d'un esprit. Bon, nous, en ésotérisme, on va être un petit peu plus compliqué parce que ça nous sécurise d'avoir des thèses bien développées. On va dire un esprit triple, hein? Peu importe. L'homme est composé d'une âme et d'un corps. L'esprit, je répète, immortel, incorruptible. Le corps, corruptible et mortel, et c'est très évident puisqu'il fait inventaire. Et l'âme, corruptible et périssable aussi. Et ça, c'est une chose qu'on a oubliée. Parce que, après le schisme de Rome, et comme nous, on n'est plus sous la domination de l'Église romaine, eh bien, on a laissé tomber un des trois. Et on a dit, l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Alors, lorsque l'on entend l'âme dans l'Église romaine, c'est pas l'âme de la chrétienté jusqu'au schisme, ce n'est pas l'âme des Grecs, hein, c'est l'esprit. Et dans l'Église romaine, l'âme, c'est un problème. Parce que, ils se disent bien l'esprit est immortel, éternel et incorruptible. Ils se souviennent de la vieille théologie, de la vieille métaphysique. Hein? Mais il y a un problème parce que on a appris ici que l'âme, on pouvait vendre son âme au diable. Que l'âme pouvait être corrompue. La preuve, il y a des âmes damnées. Alors c'est pourquoi dans l'Église de Rome, il y a un problème théologique insoluble. Et les théologiens n'arrivent pas donc à trouver l'ombre d'une solution parce que ils sont confronté à un homme qui a seulement deux dimensions, hein, un corps et une âme, et cette fameuse âme est à la fois, au niveau conceptuel, impérissable, éternel et incorruptible, et puis d'autre part, corruptible et périssable. Alors, évidemment, la situation est difficile parce que il y a de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a oublié que l'homme n'est pas dualitaire, mais qu'il est ternaire. Bon. Ce qui fait que, je vous ai parlé de tout ça pour que vous puissiez savoir que si vous entendez un jour quelqu'un de la tradition romaine vous parler de l'âme, c'est pas de l'âme qui vous parle, mais il vous parle de l'esprit. Bon. Alors, l'âme, à ce niveau-là, elle n'existe plus. C'est-à-dire, sur le plan conceptuel, il y a une confusion, hein, et parfois on parle de l'âme, parfois on parle de l'esprit, mais plus souvent, donc, on va parler de l'esprit. Mais si on prend la véritable tradition chrétienne autour des corps invisibles et de la constitution de l'âme, eh bien, il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Qu'est-ce que l'âme vient faire dans ces trois dimensions de l'individu? Eh bien, d'une certaine manière, l'âme est le résultat, et c'est là qu'on va commencer à avoir des éléments qui peuvent être pertinents et intéressants à une réflexion sur l'âme. L'âme est le résultat du travail effectué par l'esprit immortel, éternel, incorruptible, sur le corps. Et j'oserais dire sur les corps, c'est-à-dire les véhicules de conscience de l'individu, les supports d'incarnation. L'âme se constitue exactement de la même manière que l'énergie à l'intérieur du corps se constitue. Autrement dit, l'âme, c'est un réservoir d'énergie. C'est uniquement ça. L'âme est un réservoir d'énergie que l'on remplit au cours de son incarnation. On la remplit comment? Par un processus de digestion. Exactement comme ce qui se passe à l'intérieur du corps. Vous assimilez, vous mangez par exemple du pain. Il serait souhaité peut-être que ce soit du bon pain brun avec des grains cultivés par la méthode biodynamique, ainsi de suite. Mais même du pain blanc, ça va être bon pour l'exemple. Alors, vous prenez du pain le matin, vous mangez une tranche de pain. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dans la tranche de pain, il y a des méga-molécules qu'on appelle de l'amidon. Alors, ces molécules vont être attaquées d'une certaine manière par des enzymes, déjà au niveau de la bouche. Des enzymes, des amylases qui vont venir couper les liens, qui vont venir disloquer toutes les structures de cet amidon. Et déjà, lorsque l'amidon va franchir la gorge et va commencer à descendre à l'intérieur des structures de digestion, elle va déjà avoir été disloquée en plus petites particules. Jusqu'à un certain moment où elle va devenir un sucre très simple, et là, elle va être assimilée à l'intérieur de l'organisme. Ensuite, elle va être traitée, ce sucre va être traité dans des usines, dans des mitochondries, dans la cellule. Bon, il y aura des usines de destruction de cette molécule, et il y a une énergie qui va en être tirée. Parce que entre chaque atome qui sont liés dans une molécule, il y a un lien qui les relie, et c'est dans ce lien qu'existe l'énergie, que l'énergie est comme encapsulée. C'est pourquoi, d'ailleurs, les automobiles fonctionnent avec de l'essence, avec du pétrole. Parce que qu'est-ce que c'est que du pétrole? C'est des anciennes structures organiques, des structures de carbone, avec des atomes de carbone, très, très longues. Et le phénomène de la combustion du pétrole, c'est la rupture de ces liens qui existent entre les atomes de carbone. Évidemment, là, je vous simplifie à l'extrême, mais c'est la rupture donc des liens qui entre les atomes, dégageant une énergie fantastique qui vous permet à votre automobile de fonctionner. Eh bien, au niveau de la digestion, c'est la même chose. Votre tranche de pain va être détruite en toutes petites particules, et à chaque fois qu'un lien va être brisé, il y a une énergie qui va être dégagée. Et là, évidemment, il y a un mécanisme qui va permettre à cette énergie d'être mise en réserve. Bon, dans de l'ATP, adénosine triphosphorique. Bon, peu importe les termes, ça va être mis en réserve dans les molécules énergétiques au niveau du corps. Puis là, plus vous avez besoin de faire un effort musculaire, par exemple, eh bien, cet ATP va se transformer en ADP. Il va y avoir libération d'énergie. Et puis là, vous allez pouvoir bouger. Eh bien, il en est de même sur les plans subtils. C'est-à-dire que l'esprit, progressivement, par le travail de ces multiples incarnations, vient couper, rompre les liens de nos corps, de notre matière qui nous compose, tant sur le plan physique que vital, qu'émotionnel, astral, que mental. Tranquillement, l'esprit va faire quoi, en fait? J'ai employé un mot qui est traditionnel, qui peut faire frémir, va faire vivre au corps une mortification. Parce que qu'est-ce que c'est la mort? C'est la dislocation des molécules. Regardez bien, là, il faut donner un autre visage à ces vieux concepts qui sont chargés d'une incompréhension. Il faut maintenant leur donner un visage intelligent, si j'ose dire. Bon, ben, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que la mortification, c'est la rupture progressive de tous ces liens qui existent dans les corps pour en tirer de l'énergie. Ce qui veut dire que l'esprit s'incarne, pourquoi? On pose toujours la grande question. Mais pourquoi que l'esprit s'incarne? S'il était Dieu, s'il était omniscient, et ainsi de suite, pourquoi qu'il perd son temps à entrer dans les structures matérielles, à venir y penser des vies et des vies? C'est très simple. La solution, elle est évidente avec ce concept ternaire de l'homme. C'est pour créer l'âme. C'est pour développer une réserve d'énergie. C'est pour avoir un pouvoir dynamique. Alors, les anciens, même les auteurs ésotéristes modernes, n'ont pas tellement bien expliqué. Ils ont dit, autrefois, Dieu était statique. Et par le processus d'involution, c'est-à-dire descendre dans la matière et d'évolution, remonter dans les temps supérieurs, il va devenir dynamique. Mais c'est tout ce qu'on nous dit. Alors, statique, dynamique, c'est pas une explication qui est très, très précise. Mais lorsqu'on comprend le mécanisme de l'âme, tout c'est clair. C'est-à-dire que la divinité ou l'esprit va tranquillement élaborer un pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire que l'âme va devenir son énergie, qui va lui permettre de passer à l'action, qui va lui permettre de faire des choses, qui va lui donner donc un pouvoir dynamique, comme le disent les ésotéristes. Alors ça, c'est fondamental pour comprendre le mécanisme de l'âme. Alors l'âme, c'est très simple finalement. L'âme, c'est une réserve d'énergie qui est mise à la disposition de l'esprit, de telle sorte que l'esprit peut s'en servir dans ses actes libres de création, d'intervention à tous les niveaux. Ça, c'est pour, disons, le travail qui s'effectue au niveau d'un être humain, d'un individu. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'âme individuelle de quelqu'un, si vous voulez. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que s'il existe des âmes individuelles, qui sont le résultat, on vient de comprendre, d'un travail sur soi, d'un travail de l'âme, de l'esprit qui tranquillement se donne à voir, de l'esprit qui tranquillement s'appréhende lui-même dans sa réalité, de l'esprit qui tranquillement prend contrôle et maîtrise ses différents véhicules, si c'est ça qui constitue l'âme, il y a donc des techniques, il y a donc des méthodes qui peuvent nous permettre un développement de l'âme. On peut donc parler ici d'un développement de l'âme, véritablement, et d'une accumulation ou d'une assimilation de cette énergie, si vous voulez, de l'âme. Et c'est ce que les écoles ésotériques de magie proposent et enseignent à leurs aspirants, c'est comment tirer de l'expérience quotidienne de chaque jour, parce que de l'ésotérisme, je suis rendu que j'insiste peut-être beaucoup trop là-dessus, mais l'ésotérisme c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qui se passe sur des plans invisibles, ainsi de suite. L'ésotérisme c'est le quotidien, c'est une pratique de tous les jours. Alors les écoles de magie vont enseigner comment prendre et profiter de toutes les expériences qui sont en fait la nourriture de l'âme, hein, toutes les expériences que l'on vit, et tirer de ces expériences une leçon, c'est-à-dire une énergie. Alors, il y a des méthodes, il y a des moments très précis au niveau du cycle mensuel, par exemple, au moment de la pleine lune, où il y a des exercices qui peuvent être faits pour assimiler cette énergie à l'âme et en créer une force beaucoup plus grande. Il y a des méthodes qui sont plus fortes pour développer l'âme, qui sont justement les méthodes de mortification. Et c'est pourquoi des êtres comme ceux que l'Église, bon, parfois c'est trompé, mais parfois il a eu raison, on a appelé des saints. Hein? Bon, il y a certains saints qui sont vraiment des saints, dans le sens où ils sont des ishim, hein? Bon, selon l'expression hébraïque. Ce sont des ishim, ce sont des âmes glorifiées. Hein? C'est-à-dire que par des mortifications particulières, par une ascèse de vie, par un travail très très fort sur les corps, et par une maîtrise toujours plus grande de l'esprit sur les corps, ils ont développé, plus que d'autres, hein, une réserve d'énergie importante, qu'on appelle l'âme. Et c'est pourquoi les Hébreux, ça c'est très important, les appellent, je le répète, des âmes glorifiées. Ils n'appellent pas des esprits glorifiés, des âmes glorifiées, des ishim, c'est-à-dire des réservoirs d'énergie fantastiques, hein, qui ont atteint une telle ampleur, une telle importance, qu'ils peuvent maintenant servir non seulement à l'individu qui les a élaborés, mais à l'ensemble de l'humanité. Et c'est pourquoi, peut-être ça fera rire certains, l'invocation des saints est l'un des aspects de la magie cérémonielle les plus importants. Et c'est pourquoi, dans les traditions populaires, c'était pas si bête lorsqu'une personne avait une tentation charnelle d'invoquer Saint-Benoît. Parce que Benoît, par le travail de son esprit sur son corps, a créé dans l'invisible une réserve d'énergie qui est toujours disponible, hein, et à laquelle on peut toujours fusionner, qui est l'âme, hein, et on peut aller chercher l'énergie de cette âme. Si on connaît la méthode, c'est-à-dire si on connaît les mots de pouvoir, si on connaît la façon rituelique de se brancher à cette âme, on peut aller puiser des forces et s'en servir dans notre propre vie, dans notre propre quotidien. C'est l'intérêt, finalement, des êtres qui, plus que d'autres, ont développé ces âmes, parce que ça devient des âmes à la disposition de plusieurs. Bon. Alors, il y a donc des âmes qui sont plus élaborées que d'autres, et il y a des âmes, s'il y en a des individuels, il y en a des collectives. Donc, il y a des âmes collectives qui se crée commun, qui se crée par le travail d'un groupe. Et ça, autrefois, c'était très, très bien compris. Hein. Lorsque, par exemple, les inquisiteurs découvraient une sorcière, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la sorcière, son chat, ses bouquins, tout ce qu'il y avait autour d'eux, qui brûlait tout ça. Parce que ils savaient très bien que la sorcière, elle faisait partie, d'une certaine manière, de beaucoup plus que son propre corps physique. C'était une espèce d'âme collective qu'elle était en train d'élaborer, ce qu'on appelle, avec une certaine prétention dans nos écoles ésotériques, les égrégores. Alors, les égrégores, il y a déjà eu une série là-dessus, c'était pour enfants, mais c'était comme beaucoup de contes pour enfants, c'était très, très, très, très bien. Je sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision. Enfin, les égrégores, c'était bien, et ça se référait justement à ce concept d'âme collective. C'est-à-dire qu'un groupe peut créer une âme collective. Des écoles ésotériques, des écoles de franc-maçonnerie, des mouvements un tel ou un tel, qui utilisent en quelque sorte des méthodes pour générer sur les plans invisibles une âme, hein, qui va être nourrie comment? Parce qu'il faut nourrir l'âme. Si on la nourrit pas, l'âme, je vous ai dit tout à l'heure, elle est périssable. Elle décrépite, elle disparaît. Alors, comment on nourrit l'âme? C'est en lui apportant une certaine dévotion. C'est par des rituels. C'est pourquoi les traditions sont tellement les traditions des différentes écoles sont tellement rigoureuses quant aux rituels. Alors, il y a des rituels précis, il y a des mots précis à prononcer, il y a des façons de marcher, il y a des façons d'introduire quelqu'un dans l'école, ce qu'on appelle l'initiation. Tout ça concourt à quoi? Concourt à créer des formes, hein, des formes dans le plan invisible, des lignes de force, autrement dit, qui structurent cette âme. De telle sorte que lorsqu'on introduit quelqu'un, par exemple, dans une loge maçonnique, il entre véritablement en contact avec cet égrégore, avec cet âme collective. Et alors, il y a deux choses. Par son action de tous les jours, par ses rituels qu'il fera, soit à la loge, soit chez lui, il va nourrir cet égrégore. C'est-à-dire, c'est son propre sang. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais les anciens ont toujours enseigné que c'était dans le sang que résidait l'âme. Hein? Bon, ben, c'est son propre sang qu'il va nourrir cet égrégore. C'est sa propre force, c'est sa propre vie qu'il va mettre dans cette âme collective. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il va recevoir la protection et l'énergie dont il a besoin de cette âme collective-là aussi. De telle sorte que s'il a un problème un jour, qu'il voit apparaître dans sa chambre à coucher des monstres, des entités indésirables, il va pouvoir, par l'invocation de cet égrégore, utiliser une énergie plus forte que celle qu'il possède pour arriver à son résultat. C'est ça l'intérêt, évidemment, des écoles de magie. L'intérêt des écoles de magie, c'est de permettre à des individus initiés d'avoir un pouvoir à la disposition de leur esprit qui est supérieur à ce qu'ils ont eux-mêmes élaboré en allant puiser dans l'égrégore. Mais alors, évidemment, on ne peut pas se permettre de permettre à n'importe qui d'aller puiser dans cet égrégore, vous comprenez bien. S'il y a trop de membres, mettons que vous avez une école qui s'est élaborée pendant des décennies, une âme, un égrégore très puissant, par des gens qui, jour après jour, ont fait leur rituel, ont pensé à l'école, ont eu une dévotion vers quelque chose, l'objet commun, si vous voulez, et puis tout à coup, cette école s'ouvre à tous et qu'il y a 10 000 membres la semaine suivante qui ont tous accès à cet égrégore, qu'est-ce qui va se produire? C'est une réserve d'énergie qui n'est pas miraculeuse. C'est une réserve d'énergie qui est limitée de par l'énergie qui y a été placée. Ce qui veut dire que dans deux jours, l'égrégore peut être détruit complètement. Parce que il va être sapé par tous ces gens. C'est pourquoi, donc, il y a dans les écoles ésotériques des initiés. C'est-à-dire des gens à qui on donne l'autorité par un rituel d'aller puiser là-dedans. Alors, c'est le cas de l'Église, par exemple. On sait que dans l'Église, il y a un égrégore qui est la réserve christique d'énergie. Et finalement, les prêtres peuvent y aller. Alors, vous auriez beau faire toutes les cérémonies voulues, hein, il n'y aura jamais transubstantiation du pain et du vin sur votre autel ou sur votre table si vous n'avez pas reçu l'initiation presbytérale. C'est-à-dire, si on vous a pas conféré l'autorité, d'aller puiser là-dedans. Parce que vous comprenez que si on la donnait à tous les chrétiens du monde, eh bien, l'égrégore, même s'il est christique, même s'il est à un niveau supérieur sur les plans invisibles, serait rapidement épuisé. C'est pourquoi l'Église, comme toutes les écoles ésotériques, sont élitistes, sélectionnent les gens qui se préparent, qui savent être dignes d'aller chercher seulement l'énergie nécessaire, pas aller saper toute l'énergie, et ils leur donnent l'autorité d'aller puiser dans cet égrégore. Alors, vous avez là toute l'explication de l'élitisme dans les mouvements ésotériques et le fait qu'il y a des grands maîtres, des vénérables, bon, dans les loges maçonniques par exemple, qui auront, eux, la possibilité d'aller chercher l'énergie, d'initier, c'est-à-dire d'entrer d'autres personnes dans l'égrégore, ainsi de suite. L'égrégore aussi devra nécessairement, l'âme collective devra nécessairement être nourrie. Bon, si on regarde un exemple concret, l'Église de Rome, ils ont cessé leur rituel, ben, ils sont retournés aux catacombes. Hein. Il y a pratiquement plus rien, pratiquement plus d'énergie. Lorsque les cloches des églises sonnent, les gens ne sont pas en surcroît pour se rendre à l'église, comme c'était autrefois. Ils restent bien assis chez eux en écoutant la lutte. Hein. Moi, je suis dans la région où c'est la lutte. Hein. Le canal 7, il y a une glorification fantastique. Le canal 7, qui est le canal de Sherbrooke, vous avez sûrement ici aussi, pour les étoiles de la lutte. Hein. C'est la plus haute cote d'écoute jamais atteinte par le canal 7, les étoiles de la lutte. Je crois bien que c'est dimanche matin en plus. Alors, plutôt que d'aller à la messe, on peut écouter les étoiles de la lutte. Évidemment, l'effet est un petit peu différent. Mais disons que il y a plus cette passe parce que l'égrégore ou l'âme de l'Église a cessé d'être nourrie. Alors, elle a disparu. Donc, le travail de nourriture de l'âme, au niveau d'un individu, comme d'un groupe, c'est absolument fondamental. De telle manière que, éventuellement, une personne qui aurait nourri son âme pendant un certain temps, c'est-à-dire cet égrégore, va devenir un peu affamé. C'est comme pour l'estomac. Une personne qui mange beaucoup, l'estomac devient plus grand en termes de volume, et puis l'appétit devient plus important. Mais si une personne est malade, par exemple, cesse de manger pendant un certain temps ou mange très peu, elle peut par la suite avoir des difficultés à avoir de l'appétit. Parce que l'estomac a rapetissé, puis le corps s'est habitué. Bon, mais de la même manière, pour ce qui est de l'âme, une personne qui fait des exercices, qui travaille au développement de l'âme, fait en sorte de créer une demande, en quelque sorte, de l'âme. Et c'est ce qu'on appelle la fin de l'âme. Hein, les gens qui, tout à coup, pour une raison intellectuelle quelconque, quittent leur mouvement oriental, dans lequel ils avaient travaillé pendant 5 ans, 10 ans, quittent leur école, quittent leur église, ainsi de suite, et tout à coup, à l'intérieur, ils sentent un vide, une faim, une soif de l'âme. Bon, ça aussi, ça existe. C'est l'âme qui attend d'être nourrie, hein, qui attend sa nourriture, qui émet des bruits, un peu comme le système digestif va en émettre chez quelqu'un qui est assané. Eh bien, le processus donc de nourriture de l'âme va être un processus qui va être très important. Ça va se faire de différentes manières. Bon, je vous ai indiqué les principales tout à l'heure, c'est-à-dire par certains rituels, par une mortification, par une pensée qui est orientée vers l'égrégore collectif ou vers sa propre âme. Ça, c'était aussi une manière fantastique. Hein. C'est par exemple par les martyrs. Alors, dans le christianisme, vous savez que ceux qui étaient pas baptisés autrefois étaient damnés, sauf les martyrs. Bizarre, hein? Les martyrs, eux, même s'ils n'avaient pas été baptisés, ils étaient sauvés, ils allaient au ciel, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient versé leur sang. Mais dans la Rose-Croix, nous avons la même image, c'est le pélican qui verse son sang pour ses petits pélicans. Eh bien, ça, c'est très important. Et c'est comme ça que le christianisme, d'ailleurs, s'est établi sur la planète. Je vous l'ai déjà signalé dans une conférence antérieure. C'est par le sang qui est coulé, parce que dans le sang, il y a l'âme. Et par le fait que le sang coulait, l'âme du chrétien, parce que c'est un chrétien qui était massacré, elle pénétrait dans la terre et venait s'adjoindre à l'âme collective de la planète. De telle sorte qu'autour de la Terre, l'âme, qu'on appelle l'âme du christianisme, est en grande partie due aux centaines et aux milliers de martyrs du début du christianisme. Et c'est là qu'un jour, les gens qui tuaient les chrétiens se sont dit, ben, il faut cesser cette folie, parce que plutôt que de les éliminer, on est en train de les renforcer à chaque fois qu'on en massacre un. Alors, ils ont commencé à les brûler, parce que là, l'âme n'est pas transférée, le sang ne coule pas, c'est un autre niveau, donc, que la destruction s'opère. Donc, par le sang, l'âme se manifeste. Et c'est pourquoi, moi qui suis spécialisé dans le domaine de la magie, d'ailleurs, je presse les conférences régulières à Montréal à la fin septembre pour me consacrer exclusivement à des planches de formation en magie. Eh bien, moi qui a une préoccupation fondamentale au niveau de la magie, je me suis rendu compte d'une chose absolument fantastique, c'est que la magie, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de l'âme. C'est-à-dire, c'est l'utilisation d'un pouvoir. L'esprit, tout à coup, prend un pouvoir qu'il peut capter, soit par l'invocation ou quelle que soit la manière, et puis s'en sert dans une action particulière. Eh bien, on se rend compte que dans la magie, surtout la magie ancienne, il y a toujours du sang qui coule. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu le livre sur les messes rouges qui a été faites avec Bourré, le historien Bourré en France. Ça a été fait, il y a eu une cérémonie de messe rouge qui a été réalisée au cimetière du Père-Lachaise, et on voit très bien des photos. Enfin, ça avait été tourné pour Antenne 2, mais le maire de Paris a interdit la projection quelques jours avant, mais ils en ont fait un livre. Et dans ce livre-là, on voit le prêtre luciférien trancher la gorge, donc, d'un oiseau pour que le sang coule. Et ça, on connaît très bien ça. Dans tous les grimoires de magie noire ou de magie grise, il y a des sacrifices animaux et il y a du sang qui coule. Parce que on se sert de la vitalité, de l'âme, du pouvoir énergétique présent chez une entité, comme un animal, puis on se l'approprie par le sang. En plus, le sang va devenir un véhicule propice pour que les énergies sur les autres plans viennent s'y incorporer. C'est pourquoi, autrefois, les femmes, au moment de leur menstruation, ne pouvaient pas entrer au temple. Parce que le sang devient canal pour que des âmes étrangères viennent s'y incarner. Alors, ils font couler le sang. C'est pas tellement la vitalité de l'animal comme tel qu'ils recherchent le magicien. Mais en faisant couler le sang, ils vont prononcer des paroles magiques, des invocations de certaines entités. Et ces entités, qui sont des âmes, vont venir s'intégrer dans le sang et se matérialiser ou se manifester dans le rituel magique. Alors, évidemment, toute la magie noire se sert du sang parce que on utilise un fluide qui est en communication avec l'astral. Parce que le sang n'est élaboré chez un individu que dans la mesure où il a un corps astral. Chez les animaux et chez l'homme. Les plantes n'ont pas un sang comme on l'entend visuellement. Ce qui fait que ceux qui veulent travailler avec le bas astral, avec des âmes qui sont à des bas niveaux vibratoires, qui sont des âmes corrompues ou damnées, si vous voulez, vont servir du sang animal et de ses invocations, ils vont avoir un canal pour l'incarnation de l'énergie. Ceux qui font de la magie blanche, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eh bien, ils vont aussi utiliser un sang. Parce que s'ils n'ont pas de sang, ils ne peuvent pas intégrer l'énergie. Mais ce ne sera pas un sang animal. Ce sera un sang pur. Un sang qui n'a pas subi la passion du corps astral. Ils se servent de quoi? Ils se servent des résines. Ils se servent de l'encens, de la myrrhe. Bon, des résines qui sont de nature végétale, qui sont véritablement le sang des plantes. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là? Ils se servent d'un sang éthérique. Parce que dans la résine, il n'y a pas d'astralité. Il n'y a que du pur éther. Il y a la pure force vitale. Or, une chose fantastique, tout à l'heure, si on a du temps, je vous ferai un tableau. Le corps éthérique est en rapport direct avec ce que, ici à Montréal, vous appelez le supramental. Première dimension supramentale, l'esprit vital. Il y a un lien direct avec le corps éthérique. Alors, lorsque le magicien encense, vous allez dire, c'est insensé de se promener autour de quelque chose d'encensé, et ainsi de suite. Bon. Mais lorsque le magicien encense, c'est pas du tout insensé. Hein? Parce que lorsqu'il encense, il va avoir l'idée. Il va se mettre en rapport énergétique avec un archange, avec un ange. Les anges existent, semble-t-il. Hein? Bon. Alors, il va se mettre en contact avec des forces qui sont ici des âmes sur les plans subtils. Et par l'encens qui brûle, hein, qui est un sang végétal, ces âmes vont s'incarner. Et littéralement, dans l'instant qui se trouvera dans la pièce où la personne fait de la magie, il y aura l'âme des intelligences qui auront été invoquées. Alors, voilà pourquoi il y a l'utilisation, donc, de l'encens dans les rituels où on fait appel à des âmes, à des pouvoirs psychiques, vibratoires subtils, qui existent, donc, sur les plans invisibles. Donc, c'est un autre aspect que je voulais vous présenter autour de l'âme. Un autre aspect très intéressant qui est à noter, c'est que l'âme est, comme je vous disais tout à l'heure, corruptible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une énergie qui serait positive, par exemple élaborée par un saint. Vous pouvez prendre cette énergie élaborée par un saint et l'inverser. C'est ce que les messes noires font. Pour célébrer une vraie messe noire, bon, on peut faire des parodies, mais une vraie messe noire, ça prend un vrai prêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui est autorisé, ritualiquement, à aller chercher dans l'égrégore qui a été réalisé par le Golgotha, donc par le sang qui a coulé du Christ, aller chercher dans cet égrégore une force, et d'opérer le rituel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une messe noire? C'est qu'un vrai prêtre, apostat, qui décide de vendre son âme au diable, c'est le cas de le dire, eh bien, ce vrai prêtre va célébrer une vraie messe en obligeant la force de l'égrégore christique de descendre, et là, il va invertir la force. Et il va s'en servir de manière négative. Donc, une âme est corruptible. Ça veut donc dire qu'un homme peut vendre aussi son âme au diable. C'est-à-dire qu'il peut entrer dans une secte qui est négative. Et même s'il y a une âme noble, positive, cette âme peut être inversée. C'est ce que Adolf Hitler a fait. Adolf Hitler a recherché des objets sacrés, surtout la lance de Longinus, la lance qui avait perforé le Christ. Tout son travail a été au niveau de cette quête-là. Quand il était encore jeune, dans la vingtaine, il allait dans les bibliothèques et puis il fouillait pour trouver justement des précisions concernant la lance, concernant les différents objets sacrés, le Saint Graal, tout ça, pour retrouver ça, hein, et éventuellement dans l'aventure nazie qui l'attendait, inverser le processus et prendre une âme et la polariser vers une direction de domination. Et c'est ce qu'a fait la force du mouvement nazi, c'est qu'ils ont utilisé des âmes qui existaient sur les plans invisibles, qu'ils ont polarisé à l'inverse, hein, et qu'ils ont amené à des résultats qui sont ceux que l'on connaît. Alors, ça veut dire que dans cette aventure du travail des pouvoirs de l'âme, il y a des subtilités et il y a des pièges aussi. Hein. Parce que la bête, elle ne se manifeste pas selon des traits qui sont souvent, qui seraient très facilement reconnaissables. Soloviev, qui était l'un des maîtres, des maîtres qui ont entouré le mouvement nazi. Soloviev disait dans un livre, qui s'appelle L'Antéchrist, que la bête ne ressemble pas à ce qu'elle est. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la bête, hein, c'est-à-dire la polarisation négative des pouvoirs de l'âme, ça ne se donne pas à voir sous des traits horribles. Hein, ça se donne à voir sous des traits qui sont tout à fait acceptables pour les individus. Alors, c'est là qu'est le danger de développer par une assaise, comme on le fait dans les sectes, parce que ce soit une secte positive ou négative, il y a l'assaise, hein. Si c'est l'assaise qui vous repousse ou vous répugne, vous n'irez ni dans une école de magie blanche, ni dans une école de magie noire. Parce que dans une école de magie blanche, c'est la mortification, c'est la transformation du corps. Dans une école de magie noire, c'est exactement la même chose. Une assaise très, très forte, hein. Un vampire, pour devenir vampire, hein, c'est l'aspect que j'ai étudié le plus. Dans la magie noire, pour devenir un vampire, je vous dis que il y a des drôles de mortification à faire. Hein. Il y a un travail très puissant à faire pour justement élaborer une âme, pour justement élaborer un potentiel d'énergie. Alors que vous ayez dans l'une ou dans l'autre, il va y avoir ces mortifications, ces exercices qui vont générer l'âme. Mais c'est très subtil de se faire avoir sous des figures, sous des visages qui apparaissent louables, qui apparaissent positifs. Eh bien, parfois, se cache justement ce qu'on appelle, bon, de façon très générique, si vous voulez, la bête. C'est pourquoi je fais ce point-là, c'est parce que la question du développement de l'âme, qui est la question primordiale de nos années, puisque tout le monde veut développer des pouvoirs, veut avoir de l'énergie, bon, pour ça, il faut bien faire quelque chose pour élaborer cette âme, ou alors se brancher à des âmes collectives, à se brancher à l'âme tellurique, par exemple, de la planète, et aller chercher des forces. Il y aurait des exercices, si on avait une semaine, on pourrait parler de tous ces exercices-là, mais disons fondamentalement, toute l'attitude de l'individu qui s'en va vers l'appréhension et puis un contrôle et une maîtrise de pouvoir supplémentaire, tout ça, c'est très, très sous cautionnement. Il faut faire très, très attention et puis il faut toujours y aller avec discernement pour éviter justement tranquillement s'enliser, sans s'en apercevoir, dans des masses, dans des groupes qui sont contrôlés par des âmes collectives beaucoup plus puissantes que l'âme humaine, hein, qui sont des âmes, si vous voulez, extraterrestres ou extra-humaines, et qui vont tranquillement mettre sous leur propre domination des individus qui, tranquillement, ont élaboré une force, un pouvoir. Et plus vous allez développer l'âme, parce que tout le monde veut devenir un grand initié, ainsi de suite, mais plus la personne développe de l'âme, plus elle est sujette à la tentation. On serait porté à croire qu'une personne qui développe une certaine capacité, une certaine puissance magique, une certaine autorité vibratoire, elle est complètement isolée de toutes les influences néfastes. Au contraire, c'est elle qui est le plus la cible des forces de domination, parce qu'elle représente quelque chose d'intéressant. Hein. L'homme ordinaire, la personne qui fait aucun travail à ce niveau-là, n'est pas intéressante pour un arimanien ou pour une force particulière qui voudrait la mettre sous son contrôle, parce qu'elle a une toute petite âme, toute petite énergie à peine visible. Hein. Mais celui qui rayonne beaucoup, le saint, hein, il est toujours plein de démons tout autour. Sainte Thérèse d'Avila, ainsi de suite, vous la voyez toujours représentée avec des démons tout autour. On se dit, qu'est-ce que c'est? Bon, les psychanalystes vont vous dire, c'est du refoulement. Hein. Mais sur le plan ésotérique, on peut donner une définition qui est tout à fait différente. C'est-à-dire que plus l'âme est puissante, plus la réserve d'énergie est grande, plus les forces qui ont besoin de l'énergie et qui se nourrissent de ce que l'homme produit sur les plans subtils vont venir et vont essayer de prendre le contrôle de ça. C'est pourquoi le christianisme, c'est la religion qui s'est le plus malmenée, parce que c'était le réservoir d'énergie le plus important. C'est pourquoi les individus qui font une démarche ésotérique, ce sont celles qui sont le plus exposées à devenir magicien noir. Hein? Alors, surveillez ceux qui vous parlent de magie, puis qui font de l'ésotérisme, puis qui arrêtent leurs conférences pour faire de la magie, hein, parce que ils sont les plus exposés à des vies à un moment donné. Ils sont les plus exposés parce qu'ils vont développer une certaine réserve potentielle de force. Ils sont les plus exposés à des vies, hein, et à se faire embarquer dans toute une histoire. Mais je pense que c'est très, très subtil, et c'est très important parce que de plus en plus, l'homme, à cause de toutes sortes de choses, hein, par le fait que la sagesse humaine est en livre de poche, hein, parce que, par le fait que les techniques de développement, elles sont publiques maintenant dans une grande partie, eh bien, tout ça fait que les individus ont de plus en plus accès à des pouvoirs psychiques ou de l'âme qui sont importants. Et donc, ils sont de plus en plus la proie de forces subtiles. Je ne vais pas vous faire peur avec des démons. Hein, j'ai pas d'industrie d'exorcisme à faire fonctionner. Je peux pas vous faire peur avec des démons ou avec des forces négatives. Ce que je veux vous signaler, c'est que lorsqu'un individu commence à s'intéresser à l'âme, à l'esprit, à un travail de développement de nourriture de l'âme, il commence à avoir des problèmes. Et puis ces problèmes s'accentuent au fur et à mesure qu'il développe en lui une capacité qui le rend de plus en plus, si vous voulez, divin. Alors c'est là que il faut être averti, qu'il faut être informé, et à partir de ce moment-là, on peut, parce que étant informé, on connaît un peu les structures et la manière de fonctionner, on peut y aller avec beaucoup de discernement et ne pas se laisser manipuler par ses forces. Donc, si on veut conclure sur ce sujet, il y a une chose fondamentale à saisir, c'est d'une part être en mesure de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de l'âme, de faire attention au niveau du discours, parce que je connais pas de gens plus confus que les ésotéristes, hein, qui lisent ici et là des livres, et tout à coup, ils mettent ensemble tout ce que les auteurs ont dit sur l'âme, puis là, on leur demande qu'est-ce que c'est que l'âme, alors ils vous répètent tout ce que les auteurs espéraient ont dit là-dessus, alors que les auteurs parlaient de choses, comme je disais tout à l'heure, qui sont complètement autre que l'âme. Et alors là, vous avez une confusion tellement profonde qu'à un moment donné, bon, la personne, elle devient folle, ou bien se retire, hein, puis elle s'en va cultiver ses patates, mais elle ne peut plus supporter, hein, puis ça, c'est le danger du 20e siècle très pluraliste, elle ne peut plus supporter toutes les informations contradictoires qu'elle a reçues sur une chose. Le seul problème est au niveau linguistique, est au niveau de la terminologie. Alors, si on fait un bon déblayage au niveau de la terminologie, si on regarde l'histoire du concept de l'âme à travers l'humanité, et que par la suite, on est en mesure de donner une définition, on vient de le faire, c'est-à-dire réserve d'énergie, qu'on est en mesure de voir un peu comment cette énergie peut être élaborée par des individus qui font partie d'un groupe, ainsi de suite, eh bien là, on commence à entrer dans les subtilités de ce que représente le concept de l'âme. On commence aussi à entrer dans les subtilités de ce que représente le concept de l'homme, c'est-à-dire tous les liens qui existent constants, permanents, entre les plans de l'esprit et les plans du corps. Et alors, on peut orienter, si telle est notre décision et notre volonté, on peut orienter les travaux que l'on a à faire dans un domaine spécifique, qui serait, par exemple, le domaine de la magie. Et je ne peux pas venir ici sans vous parler un peu de ce domaine de la magie, parce que, évidemment, on est un petit peu mis au rencard. L'enseignement que je transmets n'a pas de place, n'a pas d'endroit, il n'y a pas de tanière comme le Nazaréen, n'a pas non plus d'endroit pour poser sa tête, parce que qu'on soit dans un mouvement ou dans un autre, dans un courant ou dans un autre, c'est toujours un petit peu vu de manière négative, le phénomène de la magie. Tellement le mot magie, hein, a l'air bête, hein, en soi, au niveau de notre époque contemporaine. Il y a une chose très importante, cependant, à réaliser, c'est que la magie est la technique et la science, et je dirais même un art, qui permet d'utiliser l'âme. Qui permet d'une part de l'élaborer, c'est évident, mais ensuite qui permet de l'utiliser correctement. Et qui permet, avec une précision inégalée, d'aller chercher dans l'âme d'un ancien maître, d'un saint, d'un groupe quelconque, les forces nécessaires quand on les a pas soi-même élaborées pour réaliser un travail. Alors ça, c'est fantastique comme comme réalisation et comme conséquence du domaine de la magie. Et une chose encore plus importante, c'est qu'après ce que j'appelle maintenant le scandale du christianisme, c'est-à-dire après l'événement du Golgotha, la descente de la conscience christique dans la planète, qui a renversé tous les schémas de l'homme, c'est pourquoi je dis que c'est un scandale pour l'intellect, pour le mental, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a aussi une âme tout à fait particulière qui existe sur la planète. Et je terminerai là-dessus, une âme qui n'existe sur aucune autre planète de notre système solaire. Et cette âme, c'est la conscience supramentale incarnée dans la Terre et à la disposition de l'homme. À une disposition qui est donnée par certains rituels, par exemple le baptême pour les gens ordinaires, et puis l'ordre pour les gens, pour les initiés, mais qui est donnée, qui est conférée à l'individu. Et on ne peut plus vivre sur la planète Terre comme on vivait avant le Golgotha, parce que bon, le Golgotha, c'est quelque chose de totalement incompris, peut-être qu'un jour, on pourra le comprendre, mais actuellement, c'est encore le mystère du mystère. Tout le monde en parle, mais on ne sait rien après qu'ils aient dit quelque chose. Mais à partir du moment où le Golgotha, l'événement du Golgotha s'est produit, il y a une âme qui a été cosmique, solaire, qui a été ajoutée à la planète. C'est-à-dire qu'il y a eu un mariage préparé par les druides, préparé par le monde celtique, un mariage entre le Soleil et la Terre. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus vivre comme autrefois. On est soumis et supporté par cette âme. C'est comme un couple. Hein? Un couple, une fois qu'ils sont mariés, qu'est-ce que vous voulez, ils sont obligés d'aller voir la belle-mère, ils sont obligés de faire des concessions. Eh bien, la planète Terre, c'est obligé de faire des concessions maintenant. Parce qu'elle est mariée, parce qu'elle est l'épouse, et soit-on le fidèle, hein, du Soleil, de la conscience christique, d'Ahura Mazda, de la conscience supramentale, qui ne peut plus retourner en arrière, qui fait qu'on est baigné dans une âme, mais une âme qu'on n'a jamais connue et perçue sur la planète. Et c'est pourquoi les extraterrestres, hein, qui sont sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, ils pointent tous la Terre, du bout du doigt, en disant, regardez cette petite planète, hein. Il y a à peu près 2000 ans, une poussière d'étoiles, il y a à peu près 2000 ans sur cette planète, c'est incarné la conscience christique. Et depuis, il y a autour de cette planète une âme qui va apporter une nouvelle création, non pas seulement dans notre système solaire, mais dans toute la galaxie. Comment on dit, on est regardé comme le point central où est en train de s'élaborer un novus ordo seclorum, pour parler comme le dollar américain, hein? Un nouvel ordre du monde. Et ce nouvel ordre du monde qui va s'établir va faire en sorte que tout ce qui avait été connu jusqu'à maintenant va être oublié, comme l'avait prophétisé les auteurs de l'Ancien Testament. Ils ne se souviendront plus des choses du passé, hein, parce qu'il y a quelque chose de neuf qui va être mis à la disposition de l'âme. Et ça, c'est cette âme supramentale, maintenant disponible pour l'ensemble de l'humanité, et qui est le pouvoir, hein, qui va permettre à l'esprit de transmuter totalement la planète, de la rendre sacrée, et pas seulement sacrée comme les autres planètes sacrées du système solaire, comme Alice en parle, mais sacrée au point où toute la transformation de la galaxie va être faite et réalisée en vertu de cette toute petite planète. Alors, c'est pourquoi l'homme, qui est celui qui est conscient de sa conscience et qui est conscient de l'âme et qui peut en parler et qui peut travailler avec, c'est pourquoi l'homme a toute une responsabilité. L'homme a la responsabilité de faire advenir le Golgotha, c'est-à-dire de réaliser l'âme qui a été semée, hein, dans la planète Terre, pour que éventuellement cette planète joue son rôle cosmique sur l'ensemble de la galaxie, devienne comme un vaisseau spatial, vous avez déjà dit un conférencier, qui va redynamiser toute la galaxie. Eh bien, ça, c'est à mon avis l'ultime, hein, réalisation de l'âme. Pour parler de l'âme, l'alpha et l'oméga, hein, la fin totale de l'expérience planétaire de notre planète Terre, eh bien, elle se passe là, dans une expérience d'une âme, d'un pouvoir qui lui a été adjoint, hein, par un sacrifice, le sacrifice du Nazaréen, et qui a tout transformé. Et c'est ce qui explique pourquoi qu'on me tape dessus ou pas, hein. Je continue à défendre le flambeau du christianisme, parce que pour moi, mais pas un christianisme athée, comme on l'a souvent dans la théologie romaine, par exemple, mais un véritable christianisme, c'est-à-dire une véritable prise de conscience de cette âme supramentale qui est en train de nous changer, qu'on le veuille ou non, des profondeurs, et qui est en train de faire en sorte que nous allons devenir des êtres créateurs plutôt que des créatures totalement manipulées par des forces extérieures. Donc la liberté, pour terminer, hein, la libération ultime de l'homme, de toutes ses influences, de toutes ses entités, de toutes ses énergies extérieures, c'est dans une fusion complète, totale et intégrale avec l'âme supramentale ou l'âme christique qui actuellement habite éveille et anime la planète. I'm